avons la foi, comme nous avons vu la semaine d'avant, on a la foi. Mais cette foi, elle s'exprime. Cette foi, elle agit. Donc non seulement qu'elle agit, elle s'exprime. Elle s'exprime par les mots. Les paroles que nous disons, c'est vraiment la confession de notre foi. Et les choses que nous faisons sont les actions de notre foi. Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Ça va, ça va? Ah, c'est bien. C'est merveilleux. C'est bon de se rassembler, n'est-ce pas vrai? Hein? Ce sont des moments bénis. Le Seigneur nous parle, le Seigneur agit dans les cœurs. Hein? Restaure les vies, nous encourage, nous relève. C'est merveilleux. C'est extraordinaire, le Seigneur. Oui. Ce matin, nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques, chapitre 2. Ça fait quelques fois, quelques dimanches, que quand je viens dans les environs de Kuopip, ici, on parle de la foi, n'est-ce pas? On parle de la foi. Et nous allons lire à partir du verset 14. Nous sommes tous là? OK? Qui c'est qui dort? Personne? S'il y a quelqu'un qui dort, vous le réveillez. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Belle question. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Les œuvres, c'est quoi les œuvres? Les bonnes œuvres? Non. Non. Les œuvres, c'est les actions. Les actions qui démontrent que nous avons la foi. C'est pourquoi il dit que si nous n'avons pas la foi, non pas les œuvres, pardon, les actions, moi je veux remplacer ce mot œuvre par action. Coupez votre mot œuvre, mettez action. Les actions qui suivent la foi. Donc si on n'a pas les œuvres ou les actions, notre foi est morte. Que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne produit rien. Et la question vient, est-ce que cette foi peut vraiment nous sauver? Le mot sauver veut dire quoi? Le salut? Cette foi peut-elle nous sauver? Cette foi, sans les actions, peut-elle nous sauver? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que souvent, s'il n'y a pas d'action qui suit la foi, on ne pourra pas obtenir ce que Dieu veut à travers nous. Une chose. Souvent, si on ne fait pas suivre la foi par des actions, mais on ne recevra rien. En d'autres mots, cette foi-là, est-ce qu'elle peut vraiment nous sauver? Il y a bien certaines choses que Abraham a fait pour qu'il soit justifié. Donc il ne faut pas simplement prendre le mot sauvé comme le salut, mais pour toute autre chose que Dieu veut accomplir à travers nous. Et nous réalisons que souvent, s'il n'y a pas d'action qui suit notre foi, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? On bénit le frère, on bénit la sœur, c'est un exemple. On le bénit, on la bénit, on lui dit ah ben, que le Seigneur pourvoie à tes besoins, va te réchauffer sans rien faire. Donc finalement, ce qu'on lui dit ne sert pas à grand-chose. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres ou les actions, elle est morte en elle-même. Pour que la foi porte des fruits, il faut des actions. Abraham n'aurait pas été justifié si après qu'il ait cru, il n'y a pas eu des actions pour montrer sa foi. C'est ça ce que ça veut dire. Finalement, la foi, elle devient morte. Elle est morte en elle-même. En elle-même, elle est morte. Parce qu'il n'y a pas d'action. Quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche, il a cru, mais il a fallu qu'il la construise. Oui ou non ? Il a fallu qu'il la construise. Et c'est comme ça que Noé a été justifié, de la même manière, par la foi. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi sans mes œuvres. Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Voilà la différence entre les deux. Tu dis que tu as la foi, mais finalement il n'y a rien qui suit. Mais moi, j'ai la foi avec les œuvres. Et dans le premier chapitre, l'apôtre Jacques nous parle que notre foi est mise à l'épreuve. Non ? Elle est mise à l'épreuve. Comment est-ce que notre foi est mise à l'épreuve ? Parce que par les choses que Dieu nous demande de faire. Et il teste notre cœur. Et il nous met à l'épreuve. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, au verset 20, au homme 20, que la foi sans les œuvres est inutile. Inutile. La foi sans les actions. Sans ce que ça nous demande, elle devient inutile. On peut croire, mais si elle n'est pas accompagnée par une action, elle est inutile. C'est ça que Jacques est en train de nous enseigner. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est ça la clé. Comment est-ce qu'Abraham a été reconnu juste? De quelle manière? Il a offert son fils Isaac. Il a cru. Et Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Donc il a cru et il a agi. Et son action a démontré une foi vivante. La foi qu'il avait quand Dieu lui a parlé n'était pas une foi inutile et vaine. C'était une foi vivante. Et quand Dieu lui a demandé d'aller offrir Isaac sur l'autel, il a agi. Donc c'est une foi avec les actions. C'est une foi avec une œuvre, comme il est écrit dans notre Bible. Et la Bible nous dit clairement ici que c'est comme ça que Abraham fut justifié. Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'était la démonstration de sa foi. On ne peut pas dire qu'on a la foi sans qu'on soit prêt à agir pour démontrer ce que nous croyons. Il nous faut démontrer ce que nous croyons. En d'autres mots, c'est la même chose quand nous confessons notre foi. Quand nous avons la foi, comme nous avons vu la semaine d'avant, on a la foi. Mais cette foi, elle s'exprime. Cette foi, elle agit. Donc non seulement qu'elle agit, elle s'exprime. Elle s'exprime par les mots. Ouvrez votre Bible dans l'évangile de Marc. Vous allez voir ce que Jésus a fait. Quand il a dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que ce sont ces paroles qui ont tué le figuier? Ou c'était la foi que Jésus avait exprimée par des mots qui ont tué le figuier? Donc il fallait que Jésus ait premièrement la foi dans son cœur. C'est alors qu'il a parlé au figuier et le figuier est mort. C'est la même chose. Quand nous avons la foi, cette foi doit être agissante. En d'autres mots, nous avons besoin d'agir par des actions que Dieu nous demande. Si tu crois dans ton cœur, tu diras à cette montagne, va et jette-toi dans la mer. Non pas si tu dis seulement, mais si tu crois dans ton cœur et tu dis, les paroles que nous disons, c'est vraiment la confession de notre foi. Et les choses que nous faisons sont les actions de notre foi. La même chose. Les paroles que nous faisons, les actions que nous faisons, les paroles que nous disons, les paroles que nous faisons démontrent le fruit, démontrent que nous avons la foi et que cette foi, elle est vivante et elle n'est pas morte. Elle n'est pas simplement quelque chose qu'on dit qu'on a. Si tu dis, si tu crois dans ton cœur et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Même chose. Abraham a cru et qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son fils, c'était l'action qu'il devait faire pour démontrer sa foi. Et c'est ça notre vie de tous les jours. C'est comme ça que nous avons besoin de vivre tous les jours. Puisque nous avons la foi, elle a besoin d'être vivante et pas morte. Elle demande des actions. Elle demande des paroles. Dans Marc 11, chapitre 14, pardon, verset 14, « Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. » C'est ça que Jésus a dit. « Que personne, jamais, ne mange de ton fruit. » Donc finalement, il a maudit cet arbre. Plus jamais, cet arbre n'a produit de fruit. C'est la foi de Jésus qui a emmené cet arbre à ne jamais produire de fruits désormais. Jamais. Et cette foi a été simplement exprimée. Et quand il exprime, quand Jésus a exprimé cela, c'était ce qu'il croyait qui allait arriver et ce qu'il voulait arriver. Il le voulait. Il voulait montrer à ses disciples un enseignement, si on veut dire, une leçon de foi. Une leçon de foi. C'est quoi la foi ? Tu crois. Tu crois, et puis tu parles. 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit cela. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'avais de la foi, c'est pourquoi j'ai exprimé cela par des paroles. Et par des actions. Si quelqu'un a la foi et qu'il vient, y compris pour lui, son dos fait mal. Il y a des gens qui viennent, vous avez deux catégories de gens qui viennent. La première personne, elle vient, on prie pour elle, ben, elle reste comme ça, elle n'essaye même pas de voir par une action quelconque si vraiment Dieu l'a touchée. Mais il y a des gens qui viennent avec la foi, vous le savez. Vous priez pour cette personne, son dos fait mal, et vous avez fini de prier pour elle, la première chose qu'elle va faire, c'est ça. Elle va tester, oui ou non. C'est vrai ou pas? L'autre va dire, ben, ah, merci, de rebâtir. La foi, elle est agissante. Elle agit. Il y a une démonstration, il y a une action. Il y a quelque chose qu'on fait. La foi, elle parle en même temps. Elle communique. C'est ça qui crée. Et c'est comme ça qu'Abraham a été justifié. Quand Dieu lui a dit, ah ben écoute, Abraham, va sacrifier ton fils. Il a fait tout. Par la foi. Et on retourne dans l'épître de Jacques. Tu vois que la foi, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres ou ses actions, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il y a une démonstration d'une action suite à ce qu'il a cru. Et même dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous lisons ce texte dans le verset 17, il dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. » Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. En d'autres mots, Abraham croyait. Il a cru dans la promesse. Il a cru dans la promesse. Isaac, c'était le fils de la promesse. Dieu lui demande d'aller offrir le fils de la promesse. Il croit toujours. Et il fallait qu'il aille exprimer cette foi-là. C'est pourquoi il s'est dit dans son cœur, même si Dieu reprend mon fils, Dieu le ressuscitera. Mais la foi qu'il avait dans son cœur était une foi agissante. Il n'a pas hésité de prendre son fils et l'emmener sur la montagne. Donc sa foi, Abraham, était une foi vivante. Ce n'était pas une foi inutile, mais vivante. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc vous voyez que l'homme est justifié par les actions et non par la foi seulement. Donc nous avons la foi dans notre cœur. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous croyons en Jésus. Il y a un élément de foi dans notre cœur. Et quand Dieu a déposé cette foi dans notre cœur, un des moyens pour nous de tester cette foi, de voir que vraiment nous avons la foi, c'est quand nous parlons et que nous agissons. La foi va produire des paroles pour démontrer la réalité de ce que nous croyons. Ça va démontrer exactement ce que nous croyons. Jésus vient devant ce figuier, il dit plus jamais tu produiras des fruits. Jésus était plein de foi et il a parlé. Et nous voyons qu'Abraham, dans son cœur, c'était clair pour lui que quelque chose avait besoin de se passer. Quand Dieu lui demanda d'aller offrir Isaac, c'était clair pour lui. Et c'est comme ça qu'il a été justifié. Parce que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Elle est justifiée par les actions et non par la foi seulement. Donc, on peut conclure que la foi et les actions agissent ensemble. On est d'accord ? Les foi et les actions agissent ensemble. La foi et les paroles agissent ensemble. Si quelqu'un ne parle jamais et n'exprime jamais sa foi, c'est qu'elle est morte. C'est qu'elle est morte. Et je suis sûr que Dieu nous donne des occasions pour exprimer notre foi. Devant les circonstances, devant les situations de la vie, devant tout ce que nous pouvons expérimenter, Dieu nous donne des occasions pour exprimer notre foi et pour agir. Et ne pas rester inerte, muet, mais agir, action. Parole, action. La même chose que nous pouvons vraiment déterminer si quelqu'un a la foi quand nous sommes un petit peu dans son entourage et qu'on écoute ce qu'il exprime, de la même manière, on peut savoir si quelqu'un a une foi vivante par les actions qu'il fait. Ou quelqu'un se retire facilement d'une situation. Il y a un moment difficile, il y a une situation qui nous met, qui se trouve devant nous. On peut facilement se retirer et ne pas agir par la foi et ne pas communiquer notre foi. C'est très facile de pouvoir déterminer si quelqu'un a vraiment une foi vivante. C'était une foi vivante que Jésus a exprimée quand il a enseigné ses disciples au sujet de la foi. Il l'a démontré, lui. Il a démontré qu'il avait une foi vivante dans son cœur et il a parlé clairement à ce figuier. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré clairement qu'il croyait en ce que Dieu lui avait dit. Il croyait dans cette promesse et il a agi selon la foi vivante dans son cœur. Il n'a pas reculé, il n'a pas hésité, il a agi. Et l'apôtre Jacques nous donne un exemple extraordinaire. C'est concernant Rahab la prostituée. Il dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Peut-être qu'on peut regarder un petit peu ce texte de Josué chapitre 2. On va découvrir comment est-ce que Rahab a été justifiée. La foi est agissante par les actions. La foi ne recule pas. La foi qui est vivante, elle agit. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Et c'est ça qui nous sauve. Et elle ne reste pas inutile. Elle n'est pas morte. Elle est morte quand il n'y a pas d'action. Mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de parole, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas une confession de ce qu'on croit, s'il n'y a pas une action qui suit ce qu'on croit, cette foi, elle demeure morte. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de ce message. Contactez CTMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org.